Blackout, blackout. Les sirènes ont des ennuis. Elles crient, gens de Paris. C'est l'incendie. Blackout, blackout. Plus de lumière parmi les bruits. On fuit dans tout Paris. Vers d'autres vies. Viens, surtout ce soir, ne lâche pas ma main. Les rues sont pleines d'amour sans lendemain. Faire l'amour ici, dans une ville qui hier s'appelait Paris. Faire l'amour ici, quand le béton croule à peine fini. Faire l'amour ici, comme les enfants mangent les fruits. Faire l'amour ici, pour se dire qu'on est encore en vie. Encore. Blackout, blackout, les boulevards sont en folie, ils plient sous le roulis des gens qui fuient. Blackout, blackout, le monde rêve de Normandie, samedi dans tout Paris, même sous la pluie. Viens, surtout ce soir, ne lâche pas ma main. Les rues sont pleines d'amour sans lendemain. Faire l'amour ici, en chassant la Seine pour prendre son lit. Faire l'amour ici, dans des trains à l'aube déjà plein de nuit. Faire l'amour ici, flamme d'affiches qui crient. Faire l'amour ici, pour se dire qu'on est encore en vie. Encore.